Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 21 août 2019, voici les grands titres de cette édition. La persistance de l'intolérance politique sur terrain préoccupe. Le président du Forum des partis politiques, Félicien de Burundi, y voit des manœuvres de la part de ceux qui commettent des bavures pour ternir l'image du Burundi. Vous l'entendrez largement puisqu'il sera l'invité du journal. Et une trentaine de personnes souffrant de l'anomalie dite bec de lièvre sont attendues pour être opérées. 9 sont déjà opérées dans une campagne organisée par le cadre d'expression des malades du Burundi, Semabo, et qui a débuté ce mardi à l'hôpital de Makamba. La Commission nationale des terres et autres biens CNTB se réserve la latitude de clôturer un dossier en défaveur de toute personne qui refuse de répondre à 3 de ses convocations. Le porte-parole de cette commission estime que certaines personnes s'absentent sciemment. En actualité internationale, les généraux et les leaders de la contestation ont annoncé mardi 20 août la formation du Conseil souverain qui pilotera la transition soudanaise de 3 ans et 3 mois. Et en Ouganda, le Parlement a adopté une loi qui abolit la peine de mort obligatoire pour certains crimes. Voilà pour les grands titres. Isanganiro. Rebonjour, le président du Forum des partis politiques dit ne pas comprendre pourquoi les actes d'intolérance politique entre certains membres des partis politiques persistent sur terrain. Félicien de Burundi s'inquiète que ceux qui commettent des bavures auraient une mission de ternir l'image du pays. On l'écoute. Je suis un homme politique. Un politicien toujours a des inquiétudes sur telle ou telle situation qui se passe. Moi, j'ai peur que à l'intérieur de certains partis politiques, à l'intérieur des jeunes affiliés aux différents partis politiques, il y aurait des gens qui sont là pour saboter, et ce que j'appellerais des éléments intrus. Alors, après avoir terminé ces sabotages, l'opinion internationale voit que le Burundi n'est pas un pays sécurisé. C'est ça la peur que j'ai. Le président du Forum des partis politiques sera notre invité dans les dernières minutes de ce journal. 35 personnes souffrant de l'anomalie dite bec de lièvre sont attendues pour être opérées dans une campagne organisée par le cadre d'expression des malades du Burundi, Semabo, qui a débuté ce mardi à l'hôpital de Makamba avec 9 personnes opérées. Le porte-parole du Semabo annonce que cette campagne va se poursuivre à l'hôpital de Kabezi en province Bujumbura et fait savoir que les patients sont totalement pris en charge. Sylvain Habanabakize dit que l'objectif est de redorer l'image de ces patients qui font parfois objet de discrimination. On l'écoute au téléphone de Charles Makoto. Dans ces objectifs poursuivis, le Semabo s'est donné le but d'appuyer le gouvernement dans le but d'appeler les médecins spécialistes qui peuvent traiter des maladies qui ne sont pas couramment traitées dans notre pays. Et pour cette raison, et que nous avons songé à chercher les bailleurs, les médecins qui peuvent nous aider. Et nous avons choisi de le faire à l'intérieur du pays parce que les gens qui ont cette anomalie ont peur de se rendre à Bujumbura pour être opérés. Ils sont déjà qu'ils font confusion à l'isio, à la commercialisation des personnes qui ont l'anomalie de l'albinisme. Est-ce que vous pouvez nous dire au total combien de gens qui ont cette anomalie de bec de lièvre qui ont été opérés depuis que vous avez commencé la campagne d'opération? C'est la 4e campagne que le Semabo vient de faire. On a déjà fait 3 campagnes. La première campagne, nous avons opéré à l'hôpital clinique Prince Wagasore 27 personnes. Et pour le moment, je n'ai pas de chiffre exact des personnes que nous avons déjà opérées. Ce que nous comptons opérer est 35 au cours de cette campagne. À Makamba, on a déjà opéré 9 et on songe opérer à l'hôpital de Kabezi 28. C'est une campagne qui est ouverte pour tout le monde, même ceux qui ne se sont pas fait inscrits ou identifiés et peuvent nous rencontrer à l'hôpital de Kabezi. On va les opérer, mais ceux qui n'auront pas la chance de venir de nous rencontrer à l'hôpital, nous songeons faire une autre campagne au mois d'octobre. Je profite pour vous dire que nous reprenons en charge les frais de transport, la nourriture, tout, et même les soins. C'est comme si le Semabo est l'aspiré pour ces gens qui ont ce problème. Sylvain Habanabakize, c'est le porte-parole du Semabo, le cadre d'expression des malades du Burundi. Et le président de la République salue le pas déjà franchi par différentes églises au Burundi dans son discours à la Nation à l'occasion de la célébration des 4 ans de sa législature depuis 2015, c'était hier. Le président Nkurunziza a appelé les hommes d'église à éviter une fausse prophétie, surtout dans les périodes électorales. Turashima ko Nous nous réjouissons que les hommes d'église ont compris que l'église ne travaille pas dans l'air, mais plutôt au Burundi. Ils ont décidé d'apporter une pierre d'édifice dans la construction du pays par le travail d'esprit des Burundais. Nous appelons ces hommes d'église à plus de vigilance et d'intelligence, surtout dans ces périodes où le Burundi s'achemine vers les élections. Qu'ils ne tombent pas dans des pièges tendus par des faux prophètes et des enseignements en provenance de l'extérieur qui ne collent pas avec leur mission de prêcher la bonne nouvelle. C'est évident que certains hommes d'église ont failli à leur mission, ils ont été blessés et d'autres ont dérouté leurs brebis au lieu de leur servir de modèle. Qu'ils évitent de subir le même sort. Et pour ceux qui ont tenu tête, qu'ils évitent de commettre cette erreur. Que ces hommes d'église sachent que la récompense et le trésor que leur réserve le Tout-Puissant ne résident que dans la fin heureuse devant l'église et le bon Dieu. La suite de l'actualité, deux parents avec des enfants vivant dans la rue, dont l'un a quatre enfants en situation de rue, viennent de sortir du cachot de Moyinga où ils ont été conduits vendredi passé. Des policiers précisent qu'ils sont relaxés pour avoir accepté de récupérer leurs enfants. Au Centre pour le développement familial de Moyinga, on précise que pour le moment, on focalise aussi l'attention sur les parents afin de lutter contre le phénomène d'enfants en situation de rue suite à l'irresponsabilité des parents. Au total, ce mercredi, six parents viennent de récupérer leurs enfants internés depuis une semaine dans des centres d'appui pour enfants vulnérables en ville de Moyinga, des enfants qui avaient été arrêtés par la police. Et environ 50 hectares de la réserve naturelle forestière de Bururi ont été réduits en cendres par des feux d'origine jusqu'à présent inconnus, déclarés dans une partie de cette aire protégée depuis 22 heures de ce mardi. Jérôme Nishishikare, un employé de l'Office burundais pour la protection de l'environnement chargé de protéger cette réserve, c'est lui qui donne ce bilan. Il dit que la partie de Gikokoma a été concernée par ces feux qui seraient d'origine criminelle. À 11 heures de ce mercredi, ces feux étaient maîtrisés grâce au concours des forces de défense et de sécurité et certains parmi les riverains de cette réserve, selon Nishishikare, qui estime à environ 90 hectares la superficie de cette réserve déjà partie en fumée depuis le début de cette saison sèche en cours. Le Burundi, c'est le seul pays à ne pas avoir une politique nationale d'industrialisation au sein de la communauté est-africaine. De plus, ce secteur génère moins de 20% du PIB, comme contenu dans le rapport du ministère ayant l'industrie dans ses attributions et dans le plan national de développement 2018-2027. Le Conseil des ministres, tenu fin juillet dernier, a adopté cette politique, mais n'a pas encore été rendu public. Les détails avec Elie Nibel Nibigira. Le plan national de développement 2018-2027 montre que ce secteur industriel génère un peu plus de 17%. Ce secteur, même s'il a eu un progrès, dit-on dans son document, il est miné par des défis dans l'absence de documents en rapport avec la politique nationale d'industrialisation, des défis énergétiques, des techniques de communication, les défis liés aux moyens et autres comme contenus dans ce document économique 2018-2027. Jusqu'aujourd'hui, comme mentionné toujours dans le rapport du ministère du Commerce, Industrie et Tourisme en décembre 2017 sur la compétitivité industrielle du Burundi, le Burundi est le seul à n'avoir pas déjà instauré la politique nationale d'industrialisation dans la communauté est-africaine. Ce ministère craint le risque de voir le pays devenir plus importateur net de biens et services alors que la balance commerciale reste déficitaire, laisse entendre le rapport ministériel. De plus, le secteur privé affiche de très faibles performances, toujours fragile et le déficit énergétique chronique et un climat des affaires peu favorable à son développement. Ce rapport mentionne également une diminution de 2,3% de production industrielle en 2015. Toutefois, le Conseil des ministres de fin juillet dernier a adopté cette politique nationale d'industrialisation pour trouver solution à ces défis. Au niveau du ministère du Commerce, Industrie et Tourisme, l'on informe que ce texte est en cours de perfectionnement pour être enfin lancé officiellement. Elie Nibel Nibigira en direct dans ce journal. La Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, va désormais clôturer un dossier, cela en défaveur de la personne qui refusera de répondre à 3 convocations. Dieudonné Mbonima, porte-parole de cette commission, qui l'a dit, explique que certaines personnes s'absentent sciemment pour torpiller les activités de la CNTB. Il l'a dit lors d'un point de presse qu'il a animé ce mardi au chef-lieu de la province Rumonge, une province qui abrite la CNTB, de même que Makamba, pour réduire l'effectif de dossiers qui dépasse actuellement la moitié de tous les dossiers que cette commission doit traiter. Une fois n'est pas coutume, on passe à l'actualité internationale avant de revenir sur notre invité en Ouganda. Le Parlement a adopté une loi qui abolit la peine de mort obligatoire pour certains crimes. Ces décisions modifient ainsi 4 lois différentes qui prévoyaient auparavant la peine capitale, y compris dans le cadre de la loi antiterroriste. Si cette loi est approuvée par le président Yoweri Museveni, les condamnations limiteront la peine de mort aux crimes les plus graves et à la seule discrétion du juge. Les législateurs affirment qu'il s'agit d'un pas vers l'abolition complète de la peine capitale, ce pourquoi les tribunaux ont déjà exprimé leur soutien. Il y a 133 détenus dans le couloir de la mort et personne n'a été exécuté au cours des 20 dernières années en Ouganda. L'administration pénitentiaire ougandaise s'est félicitée de l'initiative des parlementaires qui ont déclaré que l'accent devrait être mis sur la réforme des détenus une fois libérés. Et les généraux et les leaders de la contestation ont annoncé mardi 20 août la formation du Conseil souverain qui pilotera la transition soudanaise de 3 ans et 3 mois. Cette nouvelle instance est composée de 6 civils et 5 militaires. Parmi les militaires donc, on retrouve les principales figures au pouvoir depuis la destitution d'Omar El-Béchir, comme le général Abdel Fattah Al-Burhan ou le Chamseddine Kabashi, qui était donc jusqu'ici le porte-parole du Conseil militaire de transition. Les membres civils du Conseil souverain sont quant à eux bien moins connus des Soudanais. Ce sont des technocrates, des professeurs ou des juristes. Et parmi eux, 2 femmes. Elles représenteront les nombreuses Soudanaises qui ont participé activement à la contestation. Le Conseil souverain doit encore confirmer la validation comme Premier ministre, le candidat présenté par la contestation, l'économiste Abdallah Hamdok. Celui-ci devra ensuite former un gouvernement dont la composition doit être annoncée le 28 août. La formation de son nouvel exécutif pour gouverner le Soudan est une étape déterminante qui doit ensuite déboucher sur des élections démocratiques en 2022. À la technique, on m'en fait signe que notre correspondant Jean-Pierre Missago est en ligne et c'est pour nous dire que la Commission nationale des terres et autres biens se réserve le droit de clôturer un dossier si une personne qui a été convoquée par cette commission ne s'absente pas pour 3 fois. Jean-Pierre Missago. Les personnes qui empêchent le bon déroulement des activités de la Commission nationale des terres et autres biens sont celles qui refusent de venir récupérer au sein des délégations provinciales de la CNTB les décisions les reprises. À côté de celles-là, d'autres encore ne répondent pas aux convocations, comme le dit Dieudonné Mbonima, porte-parole de la CNTB. On a constaté que certaines personnes ne répondent pas à l'invitation et les données pour être auditionnées afin que les dossiers soient vidés. Il le faut soit par mégarde ou soit consciemment pour juste traîner ou freiner ou ralentir les activités de la Commission nationale des terres et autres biens. Des mesures ont été prises en rencontre de toutes ces personnes qui manifestent l'intention de torpiller les activités de la CNTB. Par exemple, si quelqu'un refuse de répondre à 3 convocations, son dossier sera clôturé, comme le dit le porte-parole de la CNTB. Aujourd'hui donc, une personne qui ne répond pas à l'invitation pour être auditionné pendant 3 fois, ce dossier est clôturé à son absence et à sa défaveur. Depuis ce 18 août courant, tous les membres de la Commission nationale des terres et autres biens concentrent leurs efforts dans les provinces de Makamba et Rumonge dans le cadre de vider les litiges dont l'effectif est supérieur à la moitié de plus de 20 000 litiges enregistrés par la CNTB. Jean-Pierre Missago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. À la source, interview. Place maintenant à notre invité, c'est Félicien de Burundi qui préside le forum des partis politiques. Il s'exprime par rapport aux actes d'intolérance qui s'observent ces derniers jours sur terrain et qui persistent. Il est au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Félicien de Burundi, vous êtes le président du forum des partis politiques. Ces derniers jours, on entend que l'intolérance politique est signalée ici et là. Est-ce que vous en êtes au courant? Oui, nous en sommes au courant. Raison pour laquelle, une fois le mois, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le forum des partis politiques, organise des réunions à l'intention des partis politiques et des gouverneurs de province pour analyser l'état des lieux quant à la sécurité, quant à la collaboration des partis politiques entre eux. Alors, je demanderai alors aux leaders des différents partis politiques, aux différents jeunes affiliés aux différents partis politiques, de se contrôler à l'interne, entre eux, de voir si parmi eux, il n'y aurait pas des intrus qui sont chargés de faire des sabotages. Parmi ceux-là que vous venez de parler, il y a des gens qui passent la nuit à détruire les permanences des autres partis politiques. Comment est-ce que ça devrait cesser? C'est à partir de ce que je viens de dire. À l'interne, les partis politiques se contrôlent. À l'interne, les jeunes affiliés aux différents partis politiques se contrôlent. Voir s'il n'y a pas des éléments, des intrus qui sont chargés de faire des sabotages. Vous parlez du sabotage. Que devrait faire l'administration, la justice, les forces de l'ordre, les forces de sécurité? Normalement, toutes ces institutions, l'administration, forces de l'ordre, devraient punir celui qui commet ces forfaits, sans distinction aucune. Que ce soit celui qui est un adepte du parti au pouvoir ou quelqu'un d'autre, qu'il soit puni conformément à la loi. Il y a des gens qui pensent que ça vient ternir les préparatifs aux élections. Je tranquillise la population, je tranquillise la jeunesse, je tranquillise l'idée des partis politiques. Lorsqu'on se met ensemble et qu'on essaie de déceler les différents problèmes, ou bien lorsqu'on essaie de déceler les sources de ces problèmes, la remède sera trouvée. Merci beaucoup. Merci. Félicien de Wawurundi, président du Forum des partis politiques, c'était l'invité d'Evariste Nzikobanyanga dans ce journal. Il s'exprimait sur la persistance de l'intolérance politique sur terrain. Et persistance de l'intolérance politique, je le disais, à travers des manœuvres de la part de ceux qui commettent des bavures. Pour lui, c'est pour ternir l'image du Burundi. Une trentaine de personnes souffrant de l'anomalie dite bec de lièvre sont attendues pour être opérées. 9 sont déjà opérées dans une campagne organisée par le cadre d'expression des malades du Burundi, Semabou, et qui a débuté ce mardi à l'hôpital de Makamba. Vous l'avez également suivi de la part de notre correspondant à Rumongue. La Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, se réserve la latitude de clôturer un dossier en défaveur de toute personne qui refuse de répondre à 3 de ses convocations. Le porte-parole de cette commission estime que certaines personnes s'absentent sciemment. Et en actualité internationale, les généraux et les leaders de la contestation ont annoncé mardi, hier, la formation du Conseil souverain qui piloterait la transition soudanaise de 3 ans et 3 mois. Et en Ouganda, le Parlement a adopté une loi qui abolit la peine de mort obligatoire pour certains crimes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.